J'aurais une petite galère, smer les frérots. Y'a trop d'aimes qui se cochent dans mon dos. Depuis on rafle le secteur, c'est devenu Rio. Tiguero dans le barrio, à petite minata. Cherche un homme ou une omelette. Enfermé, on s'évade, sous pakistanais. RSB, on finit nos soirées, c'est ça. Dans la tête, c'est chaud, y'a plein de caméras. Nique leur mère, ces putes, ils nous rendent parano. Les poucaves, ils font les sabastano. Plus aucun poteau, une fois petit dépôt. Y'a ceux qui disent rien, y'a ceux qui en disent trop. Les ratus, ils riches et te laissent en haine. Y'a moyen normal, y'a Aïeb Tarot. La rahma mecaine, ça vicrave la haine. Les barrages, on force, vote un pan, on perce. Les hackers, on baisse, les gros fils de traite. Et l'ami, c'est quoi ton style de mec? Chico pété, petite coupe sur le tech. Il crie bébé dans la troll, il fait la quoi de ma vie. Je fais de la musique en ce moment. Ouais, je t'as pas compris. On baisse tout la femme, accès à l'eau. Y'en a foutre, qu'elle veut que je la wette. On veut des sources, que ça me juste qu'on m'inguette. Et c'est la zone, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Après les sommes, on court, on court, on court, on court. Y'en a foutre, qu'elle veut que je la wette. On veut des sous, que ça me juste qu'on m'inguette. Et c'est la zone. Get up.